pénitencier. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Il faut les oublier.